Thank you. Laissons DJ Jamie nous faire passer les différents paliers qui nous mèneront dans les fonds profonds de la deep trance, et ce, en apnée jusqu'à 23h. Sur ces longues plages de mélodies trancy se baladent quelques infos essentielles concernant la Street Parade 2001 que tu pourras suivre d'une oreille attentive sur Couleur 3 samedi prochain, puisque nous serons en direct durant toute la journée du boat VIP de la Street Parade, un endroit très jet set où t'es pas invité mais sur lequel mixe la crème des DJ trance, house et progressive, et où le gotha de l'électro aime se rencontrer pour parler business, compilation, booking et soirée. Bref, le VIP boat, c'est si t'es pas connu, t'es pas le bienvenu, mais grâce à Couleur 3, vous serez un peu de la partie. Couleur 3, couleur 3, couleur 3, couleur 3. We'll be right back. parade, parlons-en longuement. Le long cortège de chars est prêt à s'ébranler. Samedi prochain, 10e édition anniversaire de la Street Parade, Street Parade 2001. Au programme, des camions remplis de DJ de musique électronique, tous styles confondus, une trentaine au total, dont un arborant les couleurs de la Lake Parade et un autre labellisé The Lab, avec dans la cabine de pilotage Monsieur Mister Al himself. Il y aura aussi un char du Toussy Club de Fribourg, un char Oxa Zurich et le char Raveline, déjà aperçu à la Lake Parade samedi dernier. En ce qui concerne le parcours, rien n'a changé. Le meeting point se trouve au Mittenquai de Zurich, au bord du lac de Zurich, sur la rive droite si tu viens depuis la gare. En ce qui concerne l'horaire du rendez-vous, c'est à partir de 13h. Il est bon de se pointer très tôt à la Street Parade, vu qu'il y a énormément de monde. Et puis les chars seront dans les starting blocks à partir de 15h. Trans Escape. un peu le cri de la sirène apprivoisée Flipper le Dauphin qui t'accompagne dans les lagons bleus de la Deep Trancy façon Nuit Yellow Club Q. Il s'agit d'une session ce soir vaporeuse et onirique de DJ Jamie qui, et là c'est difficile à le croire, officie sur Banzai Recordings. thématique Street Parade 2001, la fête entre tes pieds et tes oreilles. Et oui, une fois les Love Mobile est lancé sur les quais de Zurich, il faudra les suivre à pied avec si possible un peu d'eau, une casquette, ton gun à eau, ta déco fluo et une bonne paire de baskets qui n'a pas peur de se faire piétiner. Chose importante aussi pour les tympans fragiles, vous trouverez sur place des tampons afin de protéger vos oreilles des décibels house, hardcore, trans ou techno. Il sera environ 22h quand les chars arriveront à destination, arrivée qui se trouve sur la rive gauche du lac, toujours si vous venez depuis la gare. Pour plus d'informations concernant la Street Parade 2001, vous pouvez vous brancher directement à votre arrivée sur la fréquence 87.6 MHz. C'est au début de la bande FM que vous trouverez donc le programme radio de la Street Parade diffusé 24h sur 24 avec info trafic, interview et mix live de DJ. Dans la rubrique Hartung, attention, ne pas oublier que comme chaque année, le centre-ville de Zurich est totalement fermé à la circulation. Par conséquent, il sera une fois de plus difficile de se garer. Si vous décidez sagement de prendre le train, je vous conseille de lire attentivement le flyer de la Street Parade dont les pages du milieu sont consacrées uniquement aux renseignements sur les horaires des trains qui vous amèneront directement la Street Parade 2001. Couleur 3, couleur 3. Il te met ce soir sans dessus, dessous et surtout dessous pour évoluer dans la deep trance. DJ Jamie sur Couleur 3 du label Bonsai Recordings. Jamie aussi de Norvège. Alors parmi les nouveautés alléchantes de cette année concernant la Street Parade 2001, il y a une after gratuite, ça c'est nouveau, tout comme l'est d'ailleurs le défilé gratuit. After qui ressemble à celle de Berlin ou encore à la Lake Sound Session de Genève, réservée pour les fauchés et ceux qui n'ont pas envie de s'entasser sur un dance floor géant où il est impossible de se parler. Voici donc deux rendez-vous à ne pas manquer en after de la Street Parade. Deux chars prendront le relais de la fameuse Street Parade et du fameux cortège dès 21h et ce jusqu'à minuit à la Burkitschplatz tout d'abord en ce qui concerne la musique trance, et puis il y aura deux autres chars accouplés sur la place Bellevue pour vous livrer en pâture quelques bonnes sessions de DJ House. Carte blanche ce soir à DJ Jamie jusqu'à 23h, donc encore pendant 8 petites minutes. Et avant de refermer ce dossier spécial Street Parade 2001 Trans Escape, n'oubliez pas de mettre un flyer dans votre poche ce week-end pour connaître un peu le déroulement comme ça au passage des festivités, que ce soit en before, en after ou pendant la Street Parade, de vous connecter aussi pour le décompte et le live sur le net, adresse officielle très fréquentée ces derniers jours, très joli site mais un peu compliqué en ce qui concerne la navigation, www.streetparadeenunmot.com. Street Parade qui dérive aussi sur les dérivés CD, compilation Street Parade 01 mixée par Mindix au rayon trans et progressive, avec Inside, les thèmes de la Street Parade qui se vendent aussi au format maxi CD et réalisé par Mindix et ses amis. Autre maxi Street Parade, Tribute to Street Parade 2001, un CD rose bonbon avec le projet Steelworkers alias Noise et DJ Indian, Mindix en copier-coller, puis Dave 202 et Phil Green, un hommage et trois titres sortis sur TBA Recordings. Enfin, compilation Radio Street Parade 2001 House mixé par notre ami Christopher S. Et puis, pas encore sorti, forcément, Live at the Street Parade qui sera réalisé et mixé par DJ Made Wave. Couleur 3, couleur 3, we'll be right back. est déjà temps de se dire au revoir, à bientôt. On se retrouve bien entendu samedi prochain en direct du VIP boat de la Street Parade pour savoir qui mixe et qui fait quoi quand on est VIP et sur les flots du lac de Zurich. Et d'ici là, demain, dernière étape Trans Escape de la semaine avec l'agenda des street soirées trans et progressives ainsi qu'un avant-goût de la prochaine compilation Goliath qui sortira à la rentrée mixée par le talentueux Fougueux et plein d'autres trucs qui se terminent en E comme paresseux et DJ Blackmail. Trans Escape.